no matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. Allez, je vous laisse avec toute la team de l'Happy Hour d'André sur Fun Radio. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Il débarque dans 2 minutes 10 tout pile. Juste après la toute nouvelle tuerie d'Hardwell maintenant. Oula, ça va exploser. Hardwell Lil Jon, une fois de plus écoïssé avant tout le monde. Ça s'appelle Live the Night. Ah, écoutez à fond dans la voiture là, en zone en diaprame. Allez, passez un excellent week-end et à lundi 13h. Ciao tout le monde. On a réussi le pari, les gars, vendredi, fin de semaine. Mais oui, yeah, c'est bon ça. Bonjour tout le monde, pour tous ceux qui viennent de se connecter sur Fun Radio. Merci d'être là, c'est la Happy Hour. On est avec vous jusqu'à 20h. L'équipe est là, l'équipe est prête, l'équipe est belle, l'équipe est en forme, non? Ouais, c'est vendredi. C'est une demi-forme, hein, ça. Il y a Fab qui est là. C'est présent. Moi, voilà, si je suis dans l'équipe belle. Oui. Ok, bah, présent. Tu es de toute beauté, mon Fab. Carlo aussi qui est là, des infos. Bonjour, bonsoir, Carlo. Bonsoir, bonsoir. Il y a le kéké du standard, coucou. Alison. Salut. Et puis Sandro qui est aux manettes de l'émission. Tout le monde va bien? Mais oui, très bien, c'est vendredi, c'est le jour du restaurant. Ah ok. Ah bah hey. Ah oui, si. c'est vrai, c'est nouveau. Hey. Bah oui, aujourd'hui on va vous envoyer au restaurant, vous le savez. Alors je vous dis pas encore où on vous emmène, je vous donne juste un petit truc, juste pour vous donner l'eau à la bouche. Yves Matagne. Oh, je n'en dirai pas plus. Un snack? Ah non, je ne crois pas que c'est un snack, on vous explique ça juste après les infos. Fun Radio. Fun. Parfait pour toute la famille, un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Un portable avec clavier pour le travail, une tablette avec écran tactile pour la maison. Chez Vandenborg. Il y aura du cadeau dans cette émission, il y aura de la déconne, du son dancefloor aussi avec Mo, Lost Frequencies, Bruno Mars, mais tout ça, ça arrive après les infos et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. C'est encore un gros coup dur pour l'emploi en Wallonie et pour la région de Charleroi qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Le site de Caterpillar à Gosselies va fermer ses portes. Voilà ce qu'on a appris ce matin à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Les syndicats et les 2200 travailleurs de la boîte, ce qui est produit à Gosselies, le sera donc ailleurs comme à Grenoble en France, en dehors de l'Europe. Ainsi l'a décidé le groupe américain. Le problème c'est que la conjoncture est mauvaise, hein, comme on dit. La demande mondiale d'engins de chantier est en baisse. Après ça, certains oseront encore dire que l'économie mondiale se porte mieux. En attendant, c'est un nouveau coup de massue qu'on a, droit pour l'emploi en roi en Belgique, alors que Caterpillar avait déjà dégraissé le site Carrefour en 2014, quand 1330 travailleurs s'étaient fait virer. Inutile de dire que ceux qui restent ne sont pas contents du tout. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont regroupés ce matin pour bloquer l'entrée du site. Ils ont pris possession des engins de chantier et les esprits se sont un petit peu échauffés. Puis un qui est en colère aussi, c'est Paul Magnette, ministre président wallon et bourgmestre en titre de Charleroi. Paul Magnette, qui a convoqué la direction de la boîte, il se dit scandalisé par l'annonce de cette fermeture, alors que le site, dit-il, a toujours été fort soutenu par les pouvoirs publics. Mais c'est pas la première fois, ni la dernière d'ailleurs, qu'une multinationale profite des avantages offerts par les autorités avant de leur faire un bras d'honneur. Quoi qu'il en soit, les délégués syndicaux ont été reçus par le gouvernement wallon et le fédéral à Namur. L'occasion de sonner la mobilisation générale en faveur de tous ceux qui vont perdre leur job. Paul Magnette a souligné, je cite, la dignité extraordinaire de ces gens face à une multinationale au comportement de voyous. Fin de citation. La rentrée sociale s'annonce donc pénible, d'autant que des coups de gueule, il n'y a pas que les travailleurs de Caterpillar qui vont en pousser dans les jours et les semaines qui viennent. Ainsi, dans le milieu judiciaire, les traducteurs et interprètes envisagent de mener des actions ce mois-ci et n'écartent pas la possibilité d'une grève. En cause, les nouveaux tarifs actualisés en juillet par le ministre de la Justice et qui sont jugés nettement insuffisants. Les traducteurs et interprètes en ont marre d'être payés des cacahuètes et comptent bien le faire savoir très bientôt. D'après les États-Unis, les rebelles kurdes de Syrie se sont retirés à l'est de l'Euphrate, comme l'exigeait la Turquie qui est intervenue militairement dans ce pays pour s'en prendre un petit peu à Daesh et beaucoup aux Kurdes. Ankara craint que ces derniers créent un État à sa frontière, ce qui donnerait des idées aux Kurdes de Turquie. Cette dernière exige donc un retrait des rebelles kurdes de Syrie au-delà de l'Euphrate, le fleuve bien connu. Washington a affirmé que ce retrait avait eu lieu, donc mais Recep Tayyip Erdogan, le président turc, affirme que c'est du pipeau et que les combattants kurdes syriens n'ont pas traversé le fleuve. Ça signifie que les soldats turcs entrés en Syrie, eux non plus, ne vont pas se retirer tout de suite. Fun Radio. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. Merci de vous être branchés sur Fun Radio là pour terminer la journée, pour bien commencer le week-end. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, bon courage, hein. Dernière ligne droite avant de s'éclater un petit peu. On va se faire le son de Mo. Voilà, je vous ai calé aussi Lost Frequencies, tout ça arrive après la météo. Carlo, fais-nous rêver, est-ce que ce week-end il va faire beau? Demain ça ira, dimanche retour des nuages, quelques pluies, surtout sur le sud du pays, du côté de Charleroi. Tiens. Ah bah tiens, pas de raison. On fête les 350 ans de la ville ce week-end. Happy birthday to you, Charleroi. Dans des conditions qui ne sont pas extraordinaires. Ouais, tu m'étonnes. Allez, on va en Courage. Parler dans une heure d'ailleurs. Tout de suite, je vous laisse avec Audrey, le son de Mo. Salut. Fun. Fun Radio. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. So hear me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. La suite du son Dance Floor, c'est avec Lost Frequencies que ça se passe. Beautiful Life. Il y aura aussi Bruno Mars. On va se faire un petit souvenir, c'est bon ça? Mais d'abord, il y a de l'annonce à faire dans l'émission. Musique d'annonce. Ah là là là ça, là là là là là là. Oh mais oh là, bravo. Applaudissements. Mais que Fab est perspicace, que Fab est un homme romantique, que Fab... En fait, je pense que c'est pour ça que t'as décidé que t'avais envie de te marier, Fab. Non, mais ne rigole pas. Je voudrais faire une annonce. Je voudrais faire une annonce publique aujourd'hui à l'antenne de Fun Radio. On était en discussion avant l'émission, on parlait et tout. Et puis Fab, l'air de rien, bam, il a placé le fait que... Il voulait faire sa demande, il voulait se marier. Mais alors, non, Fab... j'ai pas dit que je voulais faire ma demande. Ah, mais si, mais si, non. Si, si, si. Non, ah, non, si. Non. Oh, comment vous changez non, tout mais alors, excusez-moi, bravo, Fab. Oui, magnifique. Je savais pas, Fab, mais... Ok, bah, ça ne fera 4 invitations au moins. Je vais pouvoir gâter mieux les autres. Non, on a parlé mariage et j'ai dit que oui, je comptais me marier un jour. Ah, et que non, pour la demande... Si. Et que pour la demande... T'es qu'un mytho. Tout le monde s'efforce à faire des trucs super travaillés, machin, très... Et moi, je trouve ça ringard. Comme les ouvertures de mariage, tu sais, où les gens, ils commencent à danser, puis en une fois, le DJ, il fait... Mais que se passe-t-il? Et puis ils font du rap là, Wicked End, je sais pas, ça c'est ridicule. Mais c'est parce que Fab, que ce soit le mariage ou que ce soit la demande en mariage, normalement ça n'arrive qu'une fois dans ta vie, donc tu dois quand même faire quelque chose d'un peu original. Ça dépend, hein, si tu te maries plusieurs fois, tu l'as fait plusieurs fois. Oh bah ça, hey, on fait un big up à Julie, la copine de Fab, ça veut dire que c'est pas sûr que ce soit la dernière. Attention, hein. Non mais sérieusement, si vous êtes à l'écoute de l'émission, par pitié, dites à Fab de faire passer à 3044 pour vos messages. Fab, je t'ai toujours connu tel un petit papillon qui butinait de fleur en fleur. Oui. Et puis là. Et là, tu as pu butiner. Et là, j'ai trouvé une chouette fleur, je me suis posé. Oh, je pense que pour le Fab, il est temps de prendre Fab. Ça m'inquiète. Il est temps que Fab crée sa descendance. Oh là là, Fab super. Se reproduise. Fab se marie. Excusez-moi, un mini Fab. Non, plein de petits mini Fab. Qui vont taper tes enfants à toi à l'école. Excusez-moi, c'est où là pour démissionner? Parce que là, c'est pas possible. Oh mon dieu. T'imagines un mini moi? Non. Genre, je le change, il me fait des blagues et tout. Comment je. Salut, ça va? Ah, parce que en plus. Attendez, parce que là, vraiment. Attends, viens, je prends ta température 2 secondes pour voir si tu te sens bien. Parce que non seulement Fab nous parle de mariage, mais là, tu te projettes avec un mini toi. Ah oui, la totale. Que quelqu'un me rende Fab tout de suite. Là, ça va pas être possible. Je ne vote pas pour. S'il vous plaît, de l'autre côté de la radio, vous voulez bien expliquer à Fab que le mariage. En étant Fab, c'est pas possible, quoi. 3044 pour vos messages, venez à la rescousse de l'équipe. On essaye de lui faire comprendre ça, mais il veut rien savoir, le mec. Hein. Bon, pendant qu'on reçoit vos petits messages, on va se mettre dans l'ambiance. C'est parti pour le vendredi soir avec le son de Lost Frequencies. Il y aura aussi du Bruno Mars. Et puis, vous le savez, le vendredi, c'est nouveau dans la Power. C'est le jour du restaurant. Bah ouais, vous terminez la semaine, vous êtes fatigué, vous avez pas envie de faire à manger. Ah eh ben, oui. On a pensé à vous. On va vous inviter ce soir du côté de Spa. Je ne vous dis pas encore où, mais je peux vous dire que c'est un restaurant qui déchire sa race. On vous explique ça après Lost Frequencies. I follow. Mountain high and river low. I follow. Beautiful. Fun. Fun Radio. Fun Radio. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Avec Tiesto et John Legends. On vous a calé aussi du Soprano, le nouveau En Feu qui arrive sur Fun Radio. On a reçu des petits messages aussi concernant ton futur mariage, Fab. Ah ouais, ah. Isa qui dit à mon avis on a dû lui mettre la corde au cou, c'est pas possible. Il a été menacé pour avoir envie de se marier comme mais ça. Même pas en plus. C'est une question de papier. Oui. Faut nous dire, Fab, c'est volontaire, faut... vraiment. Tu peux en parler. Si t'as un problème dans la vie, on peut t'aider. Mais on peut... bizarrement. Tu sais, je viens de Charleroi. Oui. Je peux t'appeler des méchants. Et j'ai même pas été forcé. On m'a pas menacé. Bizarrement, l'idée vient de moi en plus. Écoute, ça a germé dans ma tête. Sincèrement, le jour où tu te maries. Oh non, enfin, déjà la demande. Appelle-nous. Je viens filmer. Ça va être drôle. Ça va être vraiment drôle. Hein. Et par contre, ça fait combien de temps avec Julie? Ah, ça va bientôt faire un an là, les gars. Oh là là là là. Ouh. Oh là là. Après un an, le mec il se fiance quoi. Ben quoi? Après un an. C'est pas votre rêve à toutes là, vous qui regardez des Walt Disney du matin au soir? Non. Un prince charmant, un cheval blanc, un mec qui fait sa demande. Excuse-moi, dans moi les je Disney, il n'y a pas de mariage. Hein. Si, tout le temps. C'est juste qu'à chaque fois, elle s'endort. Ah si, moi je rêverais d'une demande en mariage. T'as pas envie plutôt de me demander à moi? Parce que moi, personne me demande. Ouais, ben il y a peut-être des raisons pour ça. Les questions, ma chérie. Mais regarde, regarde le morceau, il y a moyen de faire quelque chose. Ah oui, il y a moyen de faire plein de trucs, hein, des entrecôtes, des gigots. Des... Mais non, on est collègues, bon, bah, on peut pas. Justement, en parlant de bouffe, on vous envoie au resto. Attention. Et pas dans n'importe quel resto aujourd'hui, direction Spa. Tous les vendredis, ça va être comme ça dans l'émission. On vous envoie au restaurant Le Petit Baigneur. Oh, rien que ça. Oh oui. Oh, s'il vous plaît. C'est au bord d'un lac. Et en fait, le truc qui va vous donner mais l'eau à la bouche, c'est qu'en fait, le chef Ludovic Le Juste, c'est comme ça qu'il s'appelle, en fait, c'est un des disciples de Yves Matagne. Oh, Yves Matagne, c'est une ceinture noire en cuisine. Hein, c'est... Oh ouais, c'est... Le mec fait du karaté. C'est le gars, il est troisième dan cuisine. Il a le Sigrill. C'est un restaurant, un restaurateur étoilé. Le Sigrill, c'est son resto. D'accord. Un... Mais ce mec, c'est juste un dieu, quoi. Ce qu'il fait avec ses mains, ce qu'il met dans l'assiette, c'est. Ça fait rêver, hein. Non, ben voilà. Et ben, donc vous allez pouvoir manger chez Ludovic Le Juste. Donc Le Petit Baigneur, c'est à Spa. Alors une petite condition, vous savez, on vous demande toujours un petit truc, pas grand chose, hein. Vu le beau resto qu'on vous offre là ce soir, juste me dire pour tous ceux qui ont passé une mauvaise journée, une journée de merde, il y a eu un truc qui vous a pas plu aujourd'hui, vous avez envie de vous détendre, eh ben dites-moi ce qui vous est arrivé par SMS au 3044. Celui qui aura eu la journée la plus pourrie, je vous jure, repartira avec son resto ce soir pour deux personnes, direction Le Petit Baigneur. On attend vos messages au 3044 et puis comme ça je vais tous les lire après le son de Tiesto et John Legend maintenant sur Fun Radio. Ouais, il y aura Soprano aussi, j'avais presque oublié celui-là. Bah ouais, en feu, c'est ce qui arrive sur Fun, bougez pas. Envie de vivre une expérience incroyable? Dès la semaine prochaine, Desperados et Fun Radio vous offrent des places pour un festival extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas. Venez défier les lois de la gravité au rythme des Beats Dance Floor. Vivez-le grâce à Desperados et Fun Radio dès la semaine prochaine. Restez branchés. La teuf la plus extrême du monde. Vis-la avec Desperados dans un avion zéro gravité. Desperados, tequila flavored beer. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Je peux prendre ta carte ? Non. Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Waouh ! Vous avez entendu ça ? C'est le bruit des journées colossales de Colishop. Avec des réductions écrasantes jusqu'à moins 50% sur les armoires, les valises et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque Décathlon de 50 euros sur l'avenir.net/rentrée. Yeah, we got them on. It sounds hot. Fun Radio. Bun bun, other nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun, other nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Come on.

d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, ramène-moi des cheerleaders. Je suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Faire le 100. C'est combien en fait le numéro des 112. Pompiers? Ah merci, le 112. Oh, ouais, c'est ouf ça de pas savoir ça. T'imagines si un jour il y a le feu chez Fun, je vais laisser tout cramer moi. Je connais pas le numéro. Bon, on va se faire môme avec Aloha côté son dance floor. Il y aura aussi du King V. Oh bah ça va faire plaisir à Kéké du Standard. Oh, ça. Ouais. Faut savoir que le Kéké du Standard pense qu'il est lui-même King V. C'est insupportable. Oh là là là là là. Bah, il s'appelle aussi Kevin, hein. Oh bah voilà, c'est oh, pour bah, ça. Oui, bon, quel raccourci, c'est tout mignon tout plein. Allez, chante mon Kevin. Ouais, ouais vas-y, c'est pour toi. Allez. Mais là, il chante pas en fait sur. Oh le relou, vas-y. Allez, vas-y. Non, laisse tomber finalement. Bon, j'espère que ça se passe bien d'être de l'autre côté de la radio. On termine la semaine ensemble, hein, dans la Power. On est en direct à 17h30. On est avec vous jusqu'à 20h. Et on vous a dit que le vendredi, maintenant, il y avait de la nouveauté dans la Power. On vous envoie au restaurant. On s'est dit, quel est le truc qui pourrait faire plaisir aux auditeurs la fin de semaine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, moi, je trouve que quand t'as fini une semaine où t'as bossé comme un chien, ouais. Oh, t'as juste envie de poser tes petites fesses au resto et de profiter. Et oh, aujourd'hui, clair, en plus, ça. On vous envoie dans un resto de fou. Ah, c'est pas n'importe où aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est au petit baigneur, ça, à Spa. C'est devant le lac de Warfaz. Mm-hmm. C'est un lac énorme. Le resto est juste en bordure. Donc, oh, de ta terrasse, ça doit être trop beau. Tu manges face à l'eau et cerise sur le gâteau. Il y a des petits pédalos. Oh, tu peux aller, avant d'aller manger, tu montes dans le petit pédalo et tu vas faire un tour un autour peu du lac. Un sport, comme ça, tu peux bouffer un dessert. Voilà. C'est génial. Question existentielle. Ouais. Est-ce qu'il y a des poissons dedans? Mais tu sers à rien. Tu crois que tu manges quoi? Non, je déconne. En plus, qu'est-ce le mec est en cuisine. Alors, le mec est en cuisine, c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a été dans les cuisines de Matagne. Matagne, cuisinier étoilé en Belgique. Cool. Il a été formé par le plus grand, quoi. Ah, bah, c'est ça. Oh, ouais, ça le fait. Bah, dis voilà. Donc, vous allez manger chez la haute, c'est ça? Ah oui, oh, j'ai vu les assiettes, ce sont des tableaux. Waouh. Tu n'oses pas les toucher, c'est de magnifique. Toute beauté. Oh, c'est superbe. Et donc, c'est où ça se passe? Ça se passe. Voilà, ouais. Donc si vous êtes dispo ce soir, vous avez terminé votre semaine et que vous avez eu une journée de merde, on a décidé de récompenser les auditeurs qui ont eu une journée mais vraiment, vraiment, vraiment à chier. Tu vois vraiment le truc où à un moment donné, t'as envie d'envoyer tout péter. Et dans ce genre, eh ben, il paraît qu'Anthony, il a vraiment passé une mauvaise journée. Ça va mon Anthony? Oui, ça va. Bye bye. Anthony qui vient de Châtelineau. Ça va aller mieux. Oui, voilà, de Châtelineau. Le Cora. Le Cora de Châtelineau. Voilà, mais j'ai été pas là référence. Tout à l'heure, c'était encore une mauvaise expérience. Bah, tu vois, non, mais sérieusement, les gens qui habitent Châtelineau, ouais. et d'ailleurs, même à Charleroi, parce que moi j'en fais partie, et ben, la petite sortie du week-end, c'était d'aller au Cora. Voilà, ah, faire ouais. Un petit tour dans la galerie de Cora. Voilà. C'est si grand que ça? Bah, oui, c'est très grand. D'accord. C'est un peu l'attraction locale. Voilà. Okay. C'est, Alors, Anthony, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as passé une journée de merde, pourquoi? Bon. Alors, je vous explique. Ma femme part travailler à 6h30 du matin. À 7h, le petit qui commence à se réveiller en hurlant. Oh. Je me lève. Qu'est-ce que je vois? Le lit rempli de vomi. Ah. Les joies des enfants. Enfin, je passe les détails, je m'occupe de lui, je le change. 8h30, qu'est-ce que je vois? Ma belle-mère qui vient me faire chier chez moi. Frapper à la porte, enfin, je sais pas ce qu'elle voulait. En fait, elle est venue toute la journée me raconter qu'elle avait déteint sa robe de merde. j'ai encore les nerfs. Elle m'a raconté ça toute la journée, qu'elle n'arrivait pas à avoir sa robe et que c'était pas possible pour elle, enfin voilà. Ensuite à ça, je vais faire un petit encore tour encore. Hein. Bah dis donc. Oh mais ça c'est du matin ça. Ah. Ma journée, ma belle-mère passe toute la journée à la maison. Ensuite, ouais. Je vais faire un tour encore. Hein, et le petit commence à faire des crises de nerfs, les gens qui me regardaient travers. Parce que je m'en occupais pas quoi. Oh mon pauvre Anthony, non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette journée? Oh là là. Le bébé qui vomit. Terminé, hein, c'est pas terminé. Je rentre chez moi, je mets la fenêtre du petit, le petit qui met un coup de dent qui renverse tout sur moi. Oh là là. Mais toi, j'ai pris le petit, je l'ai déposé chez ma mère, j'ai fait des merdes. Anthony qui craque, respire Anthony. Anthony, est-ce que t'as une amoureuse? Oui. Elle était où dans... Anthony, elle est où dans l'histoire, la meuf là? Je sais rien. Et qu'est-ce qu'elle foutait? Elle est où? Elle travaille justement. Ah bah voilà. Et bonne excuse. Anthony, ce serait cool de pouvoir lui faire une surprise et de l'emmener dans un magnifique restaurant ce soir, non? Ouais, pourquoi pas. Ah bah... Ouais, mais parti comme ça, il va se faire larguer avant soi. Mais non, attends. Bon, Anthony, la bonne nouvelle, c'est que t'es présélectionné, déjà bravo, pour le tirage au sort tout à l'heure vers 18h. On va faire ça. On va savoir qui va aller manger au petit baigneur ce soir à Spa. Et donc, tu es le premier auditeur qui a vraiment eu une sale journée de merde. Anthony, tu restes bien à l'écoute de la Power. On verra si c'est toi qui ira à Spa. On te fait des gros bisous. Reste bien à l'écoute de l'émission. Et si vous aussi, vous avez envie de profiter du resto, allez-y. Dites-moi ce qui s'est passé dans votre journée aujourd'hui. Si vous avez eu une journée de merde, eh ben c'est pour vous qu'on fait tout ça. 30-44 pour vos messages. Il y aura le son de King V dans un instant, mais juste avant, voici Môme avec Aloha sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all. The unknown. grand kéké du standard, Kin V, celle qu'il te faut, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Je vais devoir supporter ces chorégraphies, franchement à tout moment je peux sauter par la fenêtre. Bon, juste avant, c'est parti, on file sur les routes. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Oui, c'est Jacobus ici pour les amis. Alors, je crois que tous les gens de l'infotrafic que je vais dire maintenant, ils pourraient faire le concours pour le restaurant. Pourquoi? Oui, bah, c'est un journée bordel. De merde. Oui, c'est accident. Et d'ailleurs, je vais lire tous vos petits messages qui arrivent au 3044. Hein. Je vous ai demandé de me dire si vous aviez une journée de merde. Si c'est le cas, à vous le resto ce soir, direction spa. J'ai l'impression que c'est moi ici qui porte le skoumoun, comme on dit. Ça veut dire le quoi ça? Le poisson. Ah, la skoumoun. Oui. La c'est pas le, hein, c'est la skoumoun. Hein. Oui, je suis néerlandais. Ah, pardon. Je te fais remarquer. Alors, sur le E40, Bruxelles, direction Liège à Herstal, un accident, boum, direction sur le banc de gauche, il bloque tout le monde, tu dois rouler au milieu et à droite, bonne chance. Sur le ring 1 de Antwerp, direction Borgerhout, c'est mes compagnons néerlandophones, accident à hauteur de Borgerhout, bah ouais, c'est quand tu vas au Néerland, tu vas pour le Pays-Bas, ouais. Quand ouais. tu vas chercher un peu de Marie-Jeanne et que tu reviens en Belgique, et nous on attend sur le bord de Liège, on dit hey! Qu'est-ce que t'as dans ton sac? Oui, oui, c'est quoi ce truc vert? Bon, prison. C'est de l'herbe. E19, Antwerp, Bruxelles, sur le ring extérieur. Aussi un accident dans l'échangeur. Le mec est en plein milieu de la route, il bloque les deux bandes. Et pour terminer, Neuchâtel, Bastogne, direction aussi de Liège. Je dis, c'est tous les gens qui sont à Liège qui ne savent pas conduire. Un accident en plein milieu, à hauteur de Arles. Je ne sais pas si Arrête quelqu'un... Arrête-toi! Allez, c'est drôle. Voilà, c'était le blague du week-end. Hein. Et c'est vendredi un peu, non? Non, il n'y a pas de jouf pour ça. Bon, d'accord, allez, laissez tomber. Bon, allez, je vois tous vos petits messages qui arrivent là au 3044. Je vous ai demandé de me dire si vous aviez eu une journée de merde. Il y a Sophie qui me dit aujourd'hui, j'ai été à l'équitation ce matin. Déjà, j'arrive et j'avais oublié tout mon matériel chez moi. Et ils ont mangé le cheval. Bah non, on dit. Et quand j'ai voulu retourner à la maison, j'avais oublié mes clés à l'intérieur. Oh, la pauvre Alizée qui me dit, moi, c'était mon premier jour de boulot aujourd'hui. Et je m'étais fait trop canon. Et le patron m'a demandé d'aller me chercher un café. Et paf, tout le café sur ma belle blouse blanche. Ah, ça fait la chaudasse. Bah voilà, hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? J'ai passé une journée de dingue. J'ai été hier soir au match foot Belgique Espagne. En rentrant, j'ai remarqué que j'avais perdu ma pochette avec toutes les photos et mon argent et tout ça. Ah ben voilà, mais ça c'est une belle journée de merde aussi. On va sélectionner quelqu'un du coup qui sera aussi sélectionné comme Anthony qui est passé à l'antenne. Et le petit tirage au sort, on le fera vers 18h. Si vous avez envie d'aller manger à Spa au petit baigneur au bord du lac avec un chef qui a été formé par Yves Matagne, rien que ça. Et ben allez-y, vous me dites par message si vous avez passé une sale journée aujourd'hui, on va vous récompenser les amis. Restez là, la Power, on est là pour vous. Oui. On va oui. vous chouchouter, on attend juste vos messages 3044 pour les envoyer. Et puis là on se fait kinvé, vas-y Kéké, chante, c'est à toi. L'avenir ne pêche t'es trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place. Oh baby. Mon sourire, je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur, tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Ton autre amour est plus fort que tout. Yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout, n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place. Oh baby. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan cœur dun. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Heureusement, la chanson est finie. Kéké qui a chanté, qui nivait tout le long. Heureusement, maintenant c'est Imani. Tu vas chanter aussi sur Imani? Ouais, si tu veux. Non, en fait, non, je veux pas. C'est parti pour l'horoscope. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Si quelqu'un cherche un homme plutôt sympa mais qui chante très faux, allez-y. Hein, venez sur ma page Facebook Audrey. Moi, je vous donne Kéké gratuit. C'est gratuit. Avant ça, on va se faire l'horoscope. On va vous dire si les enfants vous aiment. Les béliers. Votre fille est grosse et s'appelle Mélissandre. C'est pas vous qu'elle aime, c'est les chips. Les taureaux. Oui, oui, vos enfants vous aiment beaucoup. S'ils ont déjà choisi votre maison de retraite, c'est juste parce qu'ils sont prévoyants. Gémeaux. Vos enfants vous détestent et on les comprend. Les appeler Archibald et Cunégonde, franchement. Ah non, mais il y a pire. Il hein. y avait. Ouais, comment c'est pas mal ça. Oh non, comment c'est. Vagina et clitorine à Charleroi. Ouais, pardon. Oh, là, là. C'est cadeau. Où ça, t'as dit? À Charleroi. Ah, allez, allez, les cancers. Vos enfants vous adorent. Enfin, ils adorent surtout l'héritage que vous représentez. Les lions. Vos enfants vous aiment, c'est vous qui ne les aimez pas. Et pourtant, c'est pas de leur faute, ils sont roux. Mais arrête, qu'est-ce que t'as? Bon, non, moi j'adore, moi je trouve ça trop mignon, les vierges. Les enfants vous adorent, mais vous ne pouvez pas les approcher. Rappelez-vous ce qu'a dit monsieur le juge. Balance. Vos enfants ne vous aiment pas beaucoup. En même temps, j'ai l'impression que personne ne vous aime. C'est pas un hasard si vous en êtes à votre 6e divorce. Scorpion. Vos enfants vous aiment autant que Marine Le Pen aime le Burkini. Oh non, Sagittaire. Vos enfants et vous, c'est une grande histoire d'amour. Les pauvres, imaginez leur tête quand ils vont apprendre qu'ils ont été adoptés. Capricorne. Vos enfants ne vous aimaient pas. C'est pour ça que vous les avez rangés au congélateur. Mais ça va toi, les Verseaux. C'est surtout votre femme qui aime les enfants. D'ailleurs, à chaque fois que vous essayez d'en faire, elle fait rien que les manger. Vraiment ça? Mais what? Pourquoi tu fais ça? Allez, on termine avec les Poissons. Maman t'aime beaucoup, même si tu as été très très vilain. C'est d'ailleurs le titre de votre dernier film. Je savais que je devais pas le lancer là-dessus. L'horoscope, il sera de retour très vite. Et puis, il y a Mélanie qui nous dit par SMS au 3044. Merci d'avoir annoncé les embouteillages. Ma journée de dingue n'est pas finie. Courage, Mélanie. Reste bien branchée sur Fun Radio. Tu vas voir, on va te mettre la patate avec le son d'Imani maintenant. C'est Don't Be So Shy. Avec Fun Radio, passez une rentrée des classes de ouf avec votre MacBook Air d'Apple. Toutes les semaines, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez Dioro et Sound of Legend à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Double fun. Soyez le premier à envoyer Apple par SMS au 6322. Un euro message et gagnez l'ordinateur portable ultra fin d'Apple, le MacBook Air 13 pouces. Ah là là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop trop trop. La rentrée la plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd? Lapin! Ah oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, enfin, c'est quand même une belle somme. Merci, loto. Comment bien manger quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes? En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Oui! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Papa, c'est quoi un droit de veto? Ah, imagine. Si tu demandes à un vétérinaire de faire du bouche à bouche à notre bulldog, il peut dire « Ah non, ça je le fais pas ». C'est le droit de veto. Enfin, je veux dire du veto. Voilà, tu comprends? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le JDE, le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Maintenant avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be.

I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Écoutez Fun Radio, il y a toute l'équipe de la Power qui est là, il y a Fab, présent. Le Kéké, Allison, oui, il y a Sandro, oui. Moi c'est Audrey, et ce qui arrive c'est Rihanna et Drake dans un instant. Le nouveau couple, hein. Ouais, il paraît ça, qu'il y a eu bisous. Ils se sont mis ensemble, hein. Ouais, c'est mignon tout plein ça. N'empêche, ils vont super bien ensemble, hein. T'imagines, ouais. Des bébés de Rihanna et Drake. Oh là là. C'est autre chose que Fab et Julie. C'est pédophile si je dis que je suis pressée qu'ils grandissent le bébé. Non, on va pas dire ça. On va plutôt accueillir Mike qui vient du Limbourg. C'est où ce. Non, c'est où ce... Non, je veux pas dire ça. C'est où? C'est quoi, la bourre? Oh, oui, c'est ça. Ouais, la bourre, c'est à côté de Panne. Ah, mais voilà. Oh. Ah, mais c'est pour ça que t'as un accent comme ça. Il n'y a pas d'accent. Pas du tout, ça ne s'entend pas. Ça va, Mike? Oh, très bien, vous? Ah, bah écoute bien. T'es là parce que t'as envie de te faire un petit resto ce soir, mon Mike. Il paraît que t'as eu une journée compliquée. Vas-y, explique-nous. Ouais, donc voilà, en fait, c'était hier. Je travaille en usine, donc je fais les tours. Ouais. Je faisais 14-22. Et le matin, pour préparer ma journée, je voulais aller faire des courses dans un supermarché. Et en sortant, je regarde que j'entends, par exemple, mon pneu était un peu dégonflé. Et en arrivant de l'est, je vois qu'il est carrément crevé. Donc, je galère déjà, je me dis super journée, moi qui aime pas me lever tôt. Donc, alors de là, je repars directement au garage qui est un peu plus loin. Il me répare mon pneu, on repart. J'arrive au travail et tout, je fais ma journée. Et un peu avant 22h, je suis bien. Il y a la mise des flûtes, puis un moment qui me propose d'aller boire un verre à un bal de kermesse. Ouais. Chez nous. C'est cool. Et donc, mais j'ai pas trop envie en fait à la base, donc je me force quand même. Et donc la soirée se passe, et à la fin du bal, y a une bagarre. Et je me trouvais tout prêt. Et donc, les chefs, il y avait la police et tout ça, les sorteurs qui s'en mêlaient. Et la bagarre a repris. Et malheureusement, le chef policier m'a mordu. Oh non! Mais t'as mordu où ça? Dans les couilles. Dans la fesse gauche. Mais non! Oh. Le chien du flic t'a bouffé la fesse. Oh, allez, non, on applaudit. Mike, franchement, ça mérite des applaudissements. Mais non! Il dessus partout en plus, hein. Voilà. Oh, c'est énorme! Mike, du coup, je suppose qu'un petit resto ce soir, ça tombe bien, non? Ah ouais, franchement, ce serait parfait. Et ben, tu sais quoi, Mike, t'as été présélectionné. On va faire le tirage au sort. Enfin, on va faire un truc. C'est plutôt les auditeurs qui vont choisir qui mérite d'aller au resto ce soir. Ouais. On avait d'un côté Anthony qui s'est fait vomir dessus par son bébé, la belle-mère qui a débarqué, qui racontait sa life. Bref, une belle journée de merde. Et puis de l'autre, c'est Mike. Mike qui s'est fait mordre les fesses par un chien. Alors, qui d'Anthony ou de Mike va aller au resto ce soir? Direction Spa. Oui, le Petit Baigneur, un terrible petit resto au bord du lac. Tu peux louer des pédalos, c'est juste une soirée de dingue. Allez-y, 30-44 pour vos messages. Anthony ou Mike, c'est vous qui décidez, hein. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe dans la Power. Bougez pas. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high. crazy expectations last night. I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. On va savoir dans quelques petites minutes qui de Mike ou d'Anthony va aller au resto ce soir. C'est à vous de voter, hein. 30-44 pour vos petits messages. Tirage au sort juste après les infos. Fun Radio. Fun. Parfait pour les étudiants. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Un portable avec clavier pour les cours. Une tablette avec écran tactile pour le cote. Chez Vandenborg. Et pour le moment, je peux vous dire que c'est Mike qui est en tête. Donc si vous voulez qu'Anthony puisse profiter aussi d'une petite soirée romantique au resto, allez-y, hein, votez pour lui. 30-44 pour vos messages. Pendant ce temps-là, on s'informe tout de suite et c'est avec Carlo Morillo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Charles Roy s'apprête à fêter ses 350 ans ce week-end. La question étant de savoir si le cœur sera vraiment à la fête avec l'annonce ce matin de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies. Un nouveau coup de massue pour la région et pour les 2200 travailleurs concernés, sans oublier les emplois indirects qui vont passer à la trappe aussi. On parle en tout de 5000 familles belges concernées. 350 ans d'histoire donc pour une ville ainsi baptisée en 1666 et dont on peut se demander si elle n'est pas maudite, hein, et pas seulement à cause du 666, mais Charleroi s'appelle ainsi à l'honneur du roi d'Espagne Charles II, qui était complètement dégénéré, rachitique et débile. Pour vous dire, à l'âge de 10 ans, il ne savait toujours pas lire. Et voilà les effets de la consanguinité. Hein. Bref, la fermeture de Caterpillar est un nouveau séisme que la direction américaine justifie par une demande en recul. Il y a un an déjà, elle avait annoncé la suppression de 10 000 emplois dans le monde d'ici 2018, le genre de truc qui fait toujours plaisir aux investisseurs. D'ailleurs, hein, je suis allé vérifier, figurez-vous que depuis le début de l'année, l'action Caterpillar a pris 20%, d'où la question de savoir si les boursicoteurs n'ont pas un petit côté vampire, hein, eux qui se nourrissent souvent du sang des travailleurs. Quoi qu'il en soit, le site de Gosselies devrait a priori rester ouvert jusqu'au mois d'avril prochain. Et là aussi, on pourra parler d'un triste anniversaire, puisqu'en 2017, Caterpillar Gosselies fêtera, ou aurait dû fêter, ses 50 ans. À l'étranger, on vient de détecter en Floride, donc dans le sud-est des États-Unis, les premiers moustiques porteurs du virus Zika, cantonné jusque-là en Amérique latine et qui pousse donc vers le nord. Mais pas de panique, hein, ils ne devraient pas se retrouver dans nos contrées, pas assez chaudes et humides. Contrairement à la Floride, où on a déjà relevé une cinquantaine de cas de contamination. Je rappelle que le virus Zika peut provoquer des malformations chez les nouveau-nés. Il est donc la hantise des femmes enceintes. En football, c'est dans quelques jours que débutera la campagne de qualification des Diables Rouges pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, dans le milieu du théâtre, on dit que quand la répétition générale est ratée, la première représentation est une réussite. Et c'est vrai, dans le foot aussi, ben, nos joueurs sont étincelants, hein, face à Chypre, vu qu'hier soir, ils ont été nuls de chez nuls contre l'Espagne. qui s'est imposé 0-2 au stade Roi Baudouin, le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Donc, il aura ainsi fallu attendre la 83e minute avant d'avoir droit à un tir cadré de la part des Diables. Le nouveau sélectionneur Roberto Martinez avait dit qu'il se fichait du score pour peu que les joueurs belges montrent de belles choses sur le terrain. Ben là, c'est un petit peu loupé sur les bords. À noter que d'autres matchs amicaux ont eu lieu hier soir, avec notamment un très alléchant Italie-France qui s'est achevé sur une victoire des tricolores 3-1. Les tricolores, c'est plutôt les Français, hein, mais c'est vrai que le drapeau italien est tricolore aussi, comme le nôtre d'ailleurs, comme la plupart des drapeaux en fait. Ben pourquoi est-ce que les tricolores désignent toujours les Français? J'en sais rien, je vais me renseigner là-dessus. Fun Radio. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Il y aura du Justin Timberlake dans quelques minutes, là, pour ceux qui veulent écouter du son dancefloor. Dimitri Vegas et Lagma, c'est pas mal ça aussi, hein, ça arrivera juste après la météo. Alors, Carlo, c'est quoi le programme ce week-end ? Demain ça va, dimanche, du soleil. Ouais, globalement, quelques nuages, mais enfin, voilà, du soleil, dimanche, ouais. Par contre, là, ce sera pas génial avec des nuages. On était si bien avec le soleil. Ouais, mais il sera de retour de lundi, mardi. Ah, cool. Et on annonce 26-27 degrés pour jeudi et vendredi prochain, donc l'été est encore là. Et l'intention de rester encore un petit moment. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de et du son de Galantis. Salut. Fun Radio. La Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Baladé à Paris avec Willy William. Il y aura aussi la... Oh, c'est bien, ça attend la Swedish House Mafia, c'était quoi ça encore? C'est un vieux truc ça, non? Exactement. Attends, c'est Miami to Ibiza. Comment ça allait encore ce truc? J'arrive pas à revenir dessus. Mais comment tu veux chanter? London. Non, c'est pas ça, c'est pas ce truc là. Non, c'est lequel? Vas-y Sandro, t'as pas un petit extrait de... Je cherche. Le kéké du standard qui veut chanter, ouais. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il va nous chanter, kéké? Miami to Ibiza. Ah bah vas-y, chante kéké. Ah oui, ah ouais, je reconnais bien. Ouais, mais en fait... non, ça c'est level. Non, non, non, pas du tout. Bon, non, non, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un professionnel, alias Sandro? Non, non. No, Kevin, no, ne fais pas ça. Ah non, bah c'est pas ce que tu chantais. Non. Ah ouais, non. Tu. Ah, t'es mauvais. Oh, t'es mauvais. Bon, heureusement que Sandro est là, hein, c'était pas gagné ce soir. On a deux candidats là qui sont opposés l'un à l'autre pour aller au restaurant ce soir. Si vous venez débarquer dans l'émission, c'est nouveau le vendredi. On s'est dit qu'on allait vous faire plaisir. Vous avez eu peut-être une semaine compliquée, tout ça. Et bah ce soir, on vous envoie au restaurant aujourd'hui du côté de Spa. Oui, au Petit Baigneur. Donc c'est un beau petit resto devant le lac. Pourquoi est-ce que tu parles comme un mongol? Mais je sais pas. Parce que c'en est en fait. Eh, vous avez déjà entendu comment le gars? Oui, c'est un tout petit restaurant et c'est petit. Mais je suis en mode chronique sérieuse. Oh là là là. Chronique pour enfants, ouais. Dedans, ah, les petits bébés. Ok, d'accord. Bah, alors, t'as le petit baigneur, c'est en face du lac, c'est super beau. Il y a des pédalos devant que tu peux louer pour aller faire une petite balade avec ta copine. En plus, moi j'ai vu les plats parce qu'il y a des photos sur le site. Les assiettes, c'est des tableaux, c'est magnifique. C'est quoi le site internet pour les auditeurs qui voudraient aller voir et jeter un petit coup d'œil? Lepetitbaigneur.be. Ah bah voilà, allez c'est voir. C'est très simple. Vous allez voir qu'on se fout pas de votre gueule hein, sur Fun Radio. C'est du haut de gamme. On vous envoie dans un magnifique restaurant ce soir. Il y avait d'un côté Mike. Mike qui s'est fait mordre les fesses par un chien de policier suite à une bagarre en sortant d'une soirée. Et puis de l'autre, Anthony qui s'est fait vomir dessus par son petit bébé à 6h du mat, suivi de l'arrivée de sa belle-mère qui a raconté sa life. Ouais, bref, c'est pénible, ça. Vous voyez que les journées peuvent être compliquées parfois et on a décidé justement de récompenser tous les auditeurs, en tout cas un, c'est déjà bien, qui avaient passé une mauvaise journée. C'est parti, on vous a demandé de voter entre Anthony et Mike. On fait sonner chez celui qui va remporter sa soirée au restaurant, au Petit Baigneur, à Spa ce soir. Si ça décroche, et ben c'est gagné pour lui. En plus, c'est romantique. Hein, un petit tour en pédalo. Est-ce qu'on fournit le maillot ou pas? Oh, on va pas tout faire. Hein. Mais c'est bon. Hein. Allô? Allô, allô? Oui. Mais c'est qui là? Audrey de Fun Radio? Mais non, toi, c'est qui? c'est Mike. Il sait plus. Ah bah, c'est gagné, Mike. Mike, les auditeurs ont voté pour toi. T'es le grand gagnant ce soir. Tu vas au restaurant à Spa, ça te fait plaisir? Ah putain, ouais, franchement, c'est extra. Ah bah voilà, et bah nous, ça nous fait plaisir aussi. N'oublie pas ton coussin pour mettre en dessous des fesses. Hein. Pourquoi? Bah, le chien d'abord. Et tu sais rester assis sur tes fesses? Non, il va manger de bouche. Ouais, ça va, c'est douloureux, mais ça va. Oh, mon pauvre petit Mike. Une fesse à côté, mais ça va. Oh là là là là. Mike, tu vas y aller avec qui ce soir au restaurant? Avec une amie. Ah, tu prends pas le chandier, c'est déjà fini. Mike, je crois qu'il a eu assez à manger, lui. En tout cas, t'en profites à fond, d'accord? Tu nous diras comment c'était, on t'appellera lundi pour que tu nous dises comment c'était, d'accord? Okay, pas de soucis. Hein. Gros bisous, Mike, et reste bien à l'écoute de la Piwar. Bisous, bisous. Ah. Et pour tous ceux qui n'ont pas gagné aujourd'hui, rassurez-vous, toutes les semaines, c'est comme ça dans l'émission. Hein. Tous les vendredis, on va vous filer un restaurant et pas n'importe lequel. Donc restez bien à l'écoute de l'émission, de toute façon, toute la semaine. La suite maintenant, c'est avec tout, comme dirait Kevin. La Swedish House Mafia. Il y aura aussi du Will William avec Chris Cab. On va aller à Paris avec eux. Et puis voilà. She wants Steve AP and she stay up for hours watching QVC. She said she loves my songs. She bought my MP3 and so I put her number in my bold BB. I got a black BM. She got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all up on my JVC. Scene one, everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. post for FHM. She like my black LV. We spilling LPR. I put my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. Adiva and Khadila. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies. And it ain't fucking Easter. I'll wake up in the morning with a Marques of amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Lohan and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be FIFA. And that's standard procedure from Miami to Ibiza. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. C'est bien ça, il y aura aussi du Parakeet avec Save Me. Mais d'abord c'est Potin. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le petit, le gros. Ah non. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Eh ouais, on va tout savoir grâce à Fab. Fab, c'est le spécialiste des people. Les magazines, à côté de lui, franchement. Oui, des zizi aussi parfois. Franchement, les magazines, ils sont ridicules à côté. On a les infos avant tout le monde, Fab. Bah oui. Bah ouais, moi j'ai un lien particulier avec les stars. Les stars m'appellent pour me dire. Et aujourd'hui. C'est Victoria Beckham qui m'a appelé. Oh, m'a monsieur dit, tu t'es jamais demandé ce qui m'avait plu chez David? Tu t'es jamais demandé comment j'avais rencontré, ce qui avait fait que je tombe folle amoureuse de lui? Ton compte en banque. Bah, Non, parce que c'est quand même... Non, je crois que s'il a un compte en banque comme ça aujourd'hui, c'est grâce à elle. Mais ça va pas. Non, bah, mais si, c'est pas... Elle... Attends, elle l'a formé. Mais d'où elle l'a formé? Changé, et attends, l'a... attendez deux secondes. Mais le gars, il a pas été formé au football par sa meuf, quoi. Faut pas déconner non plus. Mais non, mais c'est pas le foot qui doit rapporter tout ce qu'il a. Mais c'est quoi? C'est sa meuf, elle est passée derrière, chirurgie esthétique, je te taille les dents, je te fais une coupe de cheveux, tu mets deux, trois tatouages, une chemise, une cravate, et maintenant tu veux faire le mannequin, des photos, mon gars. Pas moi ça. Attends, on va accueillir David qui vient de Liège, qui va parler des potins avec nous. Salut David, comment ça va? Ouais, ça va. Ça va, t'as pas l'accent. Mais à chaque fois que j'ai des Liégeois, moi, ils parlent nickel, quoi. Genre pas d'accent, rien. C'est de l'arnaque. Ça va, David? Ouais, ça va très bien, et vous? Bah écoute bien, t'as entendu là l'info ouais, j'ai entendu, ouais. Qu'on n'a pas encore dit, mais... mais bon, on parle de David Beckham, j'allais dire. David Beckham et Victoria. Voilà. Bon alors, elle est tombée amoureuse de quoi? Ah ben, donc elle l'avait vu, elle avait été voir un match des Manchester United en 1997, elle était dans les loges, parce que madame était un petit peu mannequin, s'était fait inviter dans les loges, enfin elle avait déjà prévu de tomber amoureuse d'un footballeur. Hein. Elle s'est dit, ça gagne de l'argent, je peux en faire ce que je veux après. Et donc elle avait commencé un petit peu à picoler dans les loges, elle était un petit peu pompée. Et puis elle a vu David sur le terrain et elle a fait oh c'est lui, je l'aime, il est de toute beauté, voilà. Et elle s'est rendue compte que David c'était pas un gars comme ses potes qui sortait en boîte tous les week-ends, qui se tapait plein de meufs, qui lui restait à la maison avec sa famille tranquillement, sagement, et ça lui a plu. Et donc du coup elle s'est dit, tiens, je vais en faire mon 4 heures, et elle en a fait son 4 heures depuis 20 ans, voilà. Ah oui, quand même, 20 ans. Ouais, ça fait ah bah, franchement, je trouve que c'est pas encore trop grave. Parce que hey, même si t'es bourrée, tombée amoureuse de David Beckham, il y a pire comme cible. Hein, tu vois ce que je veux dire? David, tu le trouves comment, toi, David Beckham? Bah, il est bien, quoi. Ouais, il est réussi. Et bien foutu, quoi. Attends, c'est quoi, toi, le premier truc que tu regardes chez une femme, David? Le truc qui te fait craquer en premier? C'est pas les yeux, je pense. Les yeux? Et non, menteur. Mais maintenant, la vérité. La vérité, sinon. Non, franchement, la vérité, ouais. Les yeux? Oh, on a un romantique, ouais, yeux, ouais. À l'antenne. David, t'es en couple? Ouais, je suis en couple, ouais. Oh, dommage. Les garçons autour de la table, c'est quoi le premier truc que vous regardiez chez les filles? Boops. Ouais, vraiment? Boops. Bon, allez, fais semblant d'être un peu romantique. Boops. D'accord, laisse tomber. Kéké du standard. Ben ouais, moi aussi, c'est les yeux. Les yeux aussi? Ouais, moi, toi, t'as un cœur sur patte, hein, tout. Ouais, moi, qu'il est mignon, tout plein. Ah, attention, j'ose même pas poser la question à Sandro. Sandro, c'est quoi le truc que tu regardes en premier chez une femme? Sa putain de paire de chaussures. Non, moi c'est le visage en fait. Le visage, l'ensemble, ouais. Quoi. Toi, il faut que ça suive. C'est ça, hein, faut que je regarde le visage, je descends, je suis ouh, c'est intéressant. Puis je dis oh, c'est, ben voilà, je suis heureux. C'est Sandro, il se dit, tiens, elle a une tête, ça va, c'est bon. Alison, alors les filles, généralement, nous on est un peu plus fleur bleue. Enfin, j'espère, c'est là qu'elle me dit sa grosse paire de boules. Non, moi je regarde s'il a des tatouages. Des tatouages. Oh là là. Ouais, tu me fatigues à jamais faire comme les autres. Mais c'est vrai, mais il y a. Mais genre tatouages, genre. Ouais, bad boys, quoi. Oh, ouais. Tu peux arracher sa chemise et faire, viens ici, mon gros cochon. Comme David Beckham. Ouais, carrément, carrément. Moi et je regarde plutôt les. Attends, les yeux. Le compte en banque. Non. Ah bon, alors là, pas du tout, parce que les mecs riches, ils sont chiants. Non, ils sont trop exigeants. Tout ça, ouais, non, c'est non. Pas vrai. Moi, si j'étais riche, je serais pas chiant. Non, bah si, mais tu l'es pas, donc c'est pour ça. Non, mais les yeux, mais alors j'aime bien les yeux bleus. Oh, les yeux bleus, ça me fait rêver. Quoi. Le mec peut être moche, mais s'il a des beaux yeux bleus, sérieux, ça passe. D'accord. Voilà, voilà. Bon, hey, David, merci d'être passé sur Fun Radio. Hein, tu vas faire quoi ce soir? Oh, je vais aller dîner avec la famille. Ouais, avec classe. Les parents. Cool. Avec ma cousine aussi. Et qui c'est qui cuisine? Pardon? Qui c'est qui cuisine? Ah, va sûrement aller chercher une bonne grosse frite belge. Oh, c'est bien ça, un bon gros paquet de frites. Et hey, c'est quoi la friterie célèbre à Liège? Il y en a une? Ouais, il y en a une. Ah bah c'est qui? C'est la friterie qui est à Liège, sur la place Saint-Lambert. Donc elle a pas de nom. D'accord. Merci. Elle a pas de nom, non. Eh bah David, si jamais un jour on veut bouffer des frites, on sait où il faut aller à Liège en tout cas. On te fait des gros bisous et merci, bon paquet, hein, comme on dit. Bah ouais, merci. Hein. Allez, le son des fleurs continue maintenant sur Fun Radio. C'est Maître Gims avec ma beauté. Mais juste après, on va se faire une nouveauté. Vous l'avez découvert ici en premier sur Fun Radio. De toute façon, on est toujours premier. On est toujours sur le coup. C'est Save Me qui arrive sur Fun. Je viens de le dire déjà. Accrochez-vous! Oui, dans la radio! Salut, c'est Bruno, on fait l'appel? Christina présente! Karina! Mika! Et Anto du JPI! Présent! Vachez, présent frère! Meryl! Nicolas du web! On est là! Fonf, je suis là aussi! Salut, c'est Louzman! Elliot! Et ouais, je suis là!

C'était deux parakids sur Fun Radio. La suite avec Dua Lipa, que ça se passe. Il y a aussi Axwell et Ingrosso côté son Netflix. Et ça arrivera juste après Sandro Pipo maintenant dans la Power. Plus baratineur qu'un garagiste qui essaie de vous vendre une voiture d'occasion. Mito ! C'est l'heure de Sandro Pipo. Sur Fun Radio. Ah là là, Sandro. Ils sont forts, Pipo. La production quand même. Ah, ils sont forts. Mais ce qui est plus fort encore, c'est que toi, t'es un gros mytho. Ça, c'est vrai. Sandro, oui, il s'amuse à ennuyer les gens. C'est ta spécialité number one. Ah, et d'appeler surtout les gens pour leur faire des jeux de mots avec les prénoms. Exactement. En fait, je me suis amusé à appeler un restaurant chinois aujourd'hui pour réserver pour mon patron. Je me dis, c'est vendredi, je vais lui faire plaisir. Donc, c'est coup, gentil. Je vais réserver pour lui. Par contre, mon patron a un prénom et un nom de famille assez bizarre. Comment il s'appelle? Lenny. Et son nom de famille, c'est Bar. Lenny Bar. Oh non! Vas-y, on écoute. Bonsoir. Oui, allô, madame? Oui. Oui, voilà, bonjour, madame. En fait, ce serait pour une réservation pour ce soir. Oui. Combien de personnes, s'il vous plaît? C'est pour deux personnes. Deux personnes, mais quelle heure? Alors, ce serait pour 20h. Oui, ça va. Votre nom? Alors, c'est pas pour moi, c'est pour mon patron. Pardon? Oui, c'est pour mon patron. En fait, je réserve pour mon patron, donc c'est pour 20h pour deux personnes. Oui, ça va. Oui. Voilà, alors son prénom, c'est Lenny. Oui, ça va. Voilà. Et le nom de famille, c'est Bar. Oui, Bar, oui. Donc, voilà. Donc, dès qu'il arrive, est-ce que vous savez l'accueillir, s'il vous plaît? Oui, oui, ça va, pas de souci. Donc, vous avez bien noté son nom et son prénom, hein? Lenny Bar, oui, ça va. C'est parfait. Oui, et ben, ce soir, merci beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. C'est pas cool, c'est pas cool parce que je suis sûre qu'elle a même pas compris le jeu de mots, Sandro. Bah, j'ai réservé pour mon patron, je vois elle pas le problème. Toujours. Monsieur Lenny Bar est attendu ce soir au restaurant chinois. Bon, Sandro, on peut l'applaudir, c'est la première fois qu'il arrive. Bravo, bravo, Sandro. Bon, la suite du son maintenant, comme promis, Dua Lipa, il y aura du Axwell Ingrosso, D'Hero aussi avec Bailar. Et puis, on va se faire un nouveau jeu dans l'émission, le Battle Sound. Si vous voulez repartir avec du cadeau Fun Radio, allez-y. Vous vous inscrivez, vous envoyez maintenant Fun par SMS au 3044. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. La saison des festivals touche à sa fin. C'est pourquoi Jupiler présente le Festival National. Le clôture vraiment l'été, c'est 16 et 17 septembre, avec de la musique live dans 600 cafés Jupiler. Découvrez les cafés participants sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. La Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Every time I knock, he can help but let me in. Miles me homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you. You're a matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give. c'est Sebastian Ingrosso. Nouveau tube Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. A kid again, total lots of bliss. La suite, ah oh, c'est bon ça, Diro avec Baila, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Il y aura aussi Felix Jane. Avant ça, on va tester un nouveau jeu dans la P-War, c'est la Battle Sound. Battle Sound, le jeu qui va te faire réfléchir, rigoler et chanter. C'est maintenant dans la P-War. J'espère que vous n'allez pas chanter comme ça en tout cas. Je vous dis tout de suite, on n'est pas sûr de l'efficacité de ce jeu. Hein. Bah si, ça va être bien. C'est la première fois qu'on le fait dans l'émission, mais bon, on va voir ce que ça donne. On a Christelle Dosserin qui est là. Bonjour Christelle, comment ça va? Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ces liégeois qui viennent et qui n'ont pas d'accent? Moi, ça ne va pas du tout, ça. Oh, voilà, t'as vexé le gamin. Tu vois, bravo. On essaye de l'effacer. Ah bah, tu vois, ton enfant est triste que tu n'aies pas l'accent, Christelle. C'est ta faute, oui, s'il pleure. Mais pourquoi il pleure, le petit bout? Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, rien, en fait, il voulait venir dans mes bras et... Et je t'ai jeté par terre. Espèce de mère indigne, tu laisses pleurer ton enfant alors qu'il veut juste un câlin. C'est honteux, Christelle, sache-le. Non, mais il voulait le téléphone. Ah, il a tout compris, celui-là. C'est lui qui veut jouer. Oui, oui. Bon, Christelle, tu vas être le cobaye de cette émission aujourd'hui puisque tu vas participer pour la première fois au Battle Sound. Bon, en gros, les règles, elles sont pas très compliquées. Je vais te donner un mot, d'accord? Oui. Et tu vas devoir me dire un maximum de chansons dans lesquelles on peut retrouver ce mot. Tu vas affronter quelqu'un de l'équipe, je te laisse le choix. Il y a Fab, Sandro ou Alison. Fab. Évidemment. Elle a senti le talent, ça, tu vois là. Elle s'est dit, lui, il doit être très mais fort. Mais moi, je dois chanter aussi ou j'ai une dérogation? On va réfléchir à ça. D'accord. Alors, je vous donne le mot. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Christelle, est-ce que tu es prête? Oui, oui. Alors, le mot, c'est le mot vie. Comme vie. La vie. Comme la vie. D'accord. Dans quelle chanson on entend le mot vie? Fab. J'aime la vie, même si c'est une folie. J'aime la vie. Sandra Kim. Bienvenue sur Nostalgie. Ça fait donc un point pour Fab. Christelle, dans quelle chanson on entend vie? Dans Tal, j'ai trouvé le sens de la vie que je n'ai. Pas con, merde. Un point pour Christelle. Fab. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Oh, bim, deux points pour Fab. Christelle, est-ce que tu vois une autre chanson où on entend le mot vie? Oui, c'est décidé, je vais passer ma vie au soleil. Hey, c'est quoi, moi je vois c'est, même. Ah, c'est du Kinvé, c'est non, mais c'est pas possible ça. Je vois pas la vie au soleil. Énorme. Bim, deux points pour Christelle. Fab. Comment il s'appelle ce jeune garçon qu'on diffuse parfois à l'antenne ici lors de nos émissions de radio? Celui qui chante nanana, c'est la vie, la. Khaled. Voilà. Ça fait donc 3 points. C'est lui, tu veux dire? Voilà, on va s'aimer. On va danser. Là, c'est la vie. Voilà. La. Attention, c'est serré. 3 points pour Fab, 2 points pour Christelle. Christelle, c'est à toi. La vie ne m'apprend rien. Oh là là là là là. C'est qui ça encore? Nanana, nanana. Bah la voile. Ah oui, bah voilà. Et moi je dis, c'est quoi encore ça? Oh, c'est romantique. Désolé, hein. Bon, pour le moment, vous êtes ex-aequo tous les deux. Alors, Fab, est-ce que t'as une idée d'une Alors, musique? Je me souviens d'un truc, ça commence comme ça. I need James Dino, Joss Mendoza. Rendez-moi cette vie d'avant. Rendez-moi cette vie d'avant. Alors, je peux vous dire déjà un truc, je sais pas si je l'accorde ce point, parce que en fait, DJ Joss sera notre invité à partir de 19h. Il a un tout petit peu d'avance et j'ai comme l'impression, hein, je dis rien, mais que Joss a soufflé cette réponse. Non, il me demandait s'il pouvait boire. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et moi, tu sais quoi, je te le file pas le point, Fab. Voilà, ça t'apprendra à tricher. Ah, merde. Voilà. Donc, ça fait 3 points pour Fab. Christelle, si tu marques le point maintenant, tu gagnes la partie. Christelle, ne craque pas maintenant, ne craque pas maintenant, c'est pas le moment. Je sais qu'il y a une chanson, c'est Alain Barrière, c'est très vieux et hein? La chanson c'est... Alain Barrière, monsieur. Christelle, tu sais quoi? Ma vie, mais le reste je sais pas la chanson. Christelle, on fait un truc, on est sympa dans la POA. On va écouter Dear Wo là maintenant sur Fun Radio. Pour le moment, Fab et Christelle, vous êtes à ex-aequo. Si après Dear Wo, Christelle, t'arrives à me filer le titre de la chanson, en tout cas à chanter ce titre, tu gagnes la manche. D'accord, Christelle? Ok, ça va. Allez, c'est parti, top chrono, t'as 2 minutes pendant Dear Wo. Depuis le 29 août à 20h, c'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Vous avez entendu cet énorme bruit? Ce sont les journées colossales chez Colishop. Des réductions jusqu'à moins 50% sur le matériel de fitness, l'électro et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. La saison des festivals touche à sa fin. C'est pourquoi Jupiler présente le Festival National. Le fait clôture vraiment l'été, c'est 16 et 17 septembre, avec de la musique live dans 600 cafés Jupiler. Découvrez les cafés participants sur jupiler.be. Se déguste avec sagesse. Le son dance floor. C'est Fun Radio. Fun Radio. I'm rolling down the river.

est sur Fun Radio. La suite, c'est avec Felix Jane, Bonfire. Il y aura aussi Justin Timberlake, Dimitri Vegas et Like Mike. Et puis DJ Joss qui sera notre invité à partir de 19h. Mais là, le suspense est insoutenable. On avait Christelle qui était là. Christelle, t'es toujours là? Oui. Christelle qui vient d'Austrain. Ouais, d'Austrain. Ah bah oui, dis ça bien. Bon, Christelle, tu es à égalité face à Fab pour le Battle Sound. Si tu arrives, alors tu m'as parlé d'un vieux chanteur que personne ne connaît, en tout cas oui. Dans l'équipe on ne le connaît pas, quelque chose la barrière. Oui, si à tu, la barrière. Si tu arrives à me chanter cette chanson où on entend le mot vie, eh bien tu gagnes la Battle Sound. À toi Christelle, est-ce que oui ou non tu t'en souviens? Oui, alors c'est ma vie, j'en ai vu des amants, ma vie. L'amour, ça fout quand. Est-ce que quelqu'un peut me donner une corde? Ouais, non, allez, en attendant, il y a ma vie. C'est vrai, il y a la vie, ouais. Moi, j'avais plein d'autres chansons avec le mot vie. Évidemment. Les Village People. Quoi? In the Navy. Non, mais non. Laisse tomber, Fab. C'est Christelle qui gagne le Battle Stars. Ouais, ouais. Christelle, t'as été la meilleure, félicitations. Tu raccroches merci. Pas, on va te filer du cadeau Fun Radio, d'accord? Oui, merci beaucoup. Gros bisous Christelle, tu reviens gros quand tu veux. On se refera très vite. On se refait ou pas la Battle Sound? Oui, bien, oui. Ou pas ouais. Tout le monde vote pour? Oui. Eh bah parfait, on se refera ça très vite dans l'émission. Maintenant, c'est Felix Jane qui arrive sur Fun Radio avec Bonfire. Et puis, si vous êtes fan de DJ, si vous êtes fan de Dance Floor, eh bah restez bien là parce que DJ Joss est en train de se préparer. On a mis les platines, tout ça. Et on va vous parler d'une école de DJ. Si vous avez toujours voulu rêver de devenir DJ, eh bah restez bien branchés sur Fun Radio. Il débarque juste après Felix Jane. I can hear the whispers around me, around me. Hurts, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. When you're mad, close my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Oh. I am the bonfire, you make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, you throw on me. I am the bonfire, you make me stronger. Minutes, c'est DJ Joss qui va prendre le contrôle de Fun Radio. Restez là, on se fait ça juste après les infos. Fun Radio. Fun. fait pour toute la famille. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Quand c'est nouveau et c'est bien pensé, c'est chez Vandenborg. Vandenborg. Eh, rassurez-vous, hein, il y aura du son d'Enflore aussi. Justin Timberlake, Dimitri Vegas et Like Mike, et puis Autonos, tout ça c'est ce qui arrive après les infos, et c'est avec Carlo. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. L'annonce ce matin de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies est un véritable coup de massue, hein, dans une région qui a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Une catastrophe pour les 2200 travailleurs qui bossent toujours dans la boîte après la restructuration de 2014. Une catastrophe pour leur famille également, bien sûr, sans oublier tous les sous-traitants. Allez savoir combien de dizaines de milliers de personnes vont être impactées par cette fermeture, hein, suite à l'annonce en question. Plusieurs dizaines d'ouvriers se sont emparés d'engins, des pelleteuses notamment, et ont bloqué le site de Gosselies. Bon, ça va évidemment pas inciter la direction américaine de la boîte à faire marche arrière, mais on peut comprendre ce genre de réaction dictée par la colère. Une colère qu'on constate également chez de nombreux internautes qui enflamment la twittosphère de leurs commentaires indignés. Je disais que le fait de bloquer le site de Caterpillar n'allait évidemment rien changer à la décision de la direction, mais le fait pour un individu qui a perdu son revenu d'intégration sociale de menacer le bourgmestre de Gedin avec une hache ne va pas non plus arranger la situation financière de ce monsieur, mais risque au contraire de lui valoir des soucis supplémentaires, hein, vu qu'il s'en est pris à un combi de la police qui surveillait la voiture du mailleur. Le gaillard a fait exploser plusieurs vitres du véhicule avant d'être maîtrisé à l'aide d'un spray au poivre. Et après des explosions de colère en tout genre, place à des explosions de batteries de smartphones, ce qui est toujours très embêtant, hein, surtout pour Samsung, le groupe sud-coréen qui va suspendre les ventes du Galaxy Note 7 suite à plusieurs incidents. Nous avons confirmation, il y a un problème de batterie, a déclaré un responsable de Samsung. Samsung qui a un point commun avec Caterpillar d'ailleurs, hein, figurez-vous que les deux entreprises ont annoncé l'an dernier la suppression de 10 000 emplois dans le monde. Explosion toujours, celle d'une fusée Falcon 9 sur son pas de tir hier jeudi à Cap Canaveral en Floride. C'est un test moteur qui n'a pas très bien tourné vu que le lanceur a été détruit, de même que le satellite israélien de communication qui aurait dû être placé sur orbite aujourd'hui, mais personne n'a été blessé. C'est bien là l'essentiel. Retour en Belgique où on ne sacrifie pas que des emplois, un sacrifice qui concernera de très nombreux moutons, pas plus tard que dans 10 jours, puisque la fameuse fête du sacrifice sera célébrée par les musulmans le lundi 12 septembre. Voilà ce qu'a annoncé aujourd'hui l'exécutif des musulmans de Belgique, une fête qui marque la fin du pèlerinage de la Mecque et commémore le sacrifice du prophète Abraham, à qui Dieu avait demandé d'égorger son fils unique avant d'arrêter son geste à la dernière seconde. Il voulait seulement vérifier si Abraham allait bien lui obéir. Le gamin a alors été remplacé par un mouton et là, évidemment, l'Éternel n'a pas arrêté le couteau. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de cette fête, la région de Bruxelles-Capitale organisa un abattoir agréé dans le respect de la législation en matière de bien-être animal. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. Ça va être de la pure folie dans quelques petites minutes sur Fun Radio. DJ Joss vient d'arriver. Fais écouter ta jolie voix, Joss, rien que pour faire rêver les auditrices. La pure folie. Ouais, trop bien. C'est un ado, DJ Joss. Non, mais DJ Joss, il a une extinction de voix. Mais par contre, vous inquiétez pas, il est au taquet pour les platines. Tout est branché sur Fun Radio. On va se faire ça dans quelques petites minutes. On va parler de son école de DJ aussi. Ça sera juste après la météo, Carlo. Un week-end coussi-coussin. Demain, ça ira encore avec des températures toujours agréables pour la saison et pas mal de soleil. Dimanche, il fera un peu plus frais avec plus de nuages également, voire de la pluie, surtout sur le sud du pays. Mais j'ai regardé le programme pour la semaine prochaine qui s'annonce plutôt sympathique également. Voilà, à tous une excellente soirée et un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à midi et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Justin Timberlake. Salut. Fun. Fun Radio. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when Le vendredi, c'est la teuf sur Fun Radio. Dimitri Vegas et Like Mike, c'est ce qui arrive. Il y aura aussi Autonose et celui qui fait l'Indien, et ben c'est DJ Joss. DJ Joss qui est là chez Fun, ça me fait plaisir. Ouais. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission, Joss. Ah, ça me fait autant plaisir. Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta voix? Allez, comme je t'ai raconté, voilà, une grosse soirée. Ouais. Donc c'était très chaud. Oh. Et puis c'est devenu très froid. Très froid d'un coup. Et donc me voilà le lendemain sans voix parce que voilà. Et ce qui est cool, c'est que même comme ça, Joss, il est venu chez Fun. Il est venu pour vous là de l'autre côté de la radio. Ouais. Ça nous fait plaisir. Ça fait longtemps donc que tu es venu chez Fun là. Ça fait deux jours. Hein. Bon, et je t'expliquais parce que c'était assez drôle en préparant un peu l'émission parce que oui, des fois on prépare. Ouais. En fait, j'ai mes deux stagiaires, Kéké du Standard et Alison, mais ouais, qui hallucinaient complètement parce que si vous venez de débarquer sur Fun Radio, Joss par exemple, et ben c'est ça. Welcome to Belgium. Et là, t'as Kéké et Alison qui m'ont regardé, qui fait quoi? C'est Joss qui a fait ça? Avec Magicut quand même. Eh bah quand même, mais ouais, c'est marrant parce que t'as fait plein de trucs, plein de sons super connus qu'on a passés sur Fun Radio. Et parfois, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui savent même pas que c'est toi qui étais derrière. Ouais, bah comme je te disais, moi je vis de ma passion secrètement en studio, je fais mes prods, machin. Après, bon, bah, c'est le destin qui décide si tu deviens une superstar ou pas. Mais non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que Joss, il a un talent de dingue. Et c'est vrai que tu te fais assez discret, voilà, c'est dans ta personnalité. En même temps, c'est cool parce que t'es quelqu'un de humble et super sympa. Et pour ceux gentil qui connaissent pas Joss, Joss c'est ça aussi. Vas-y, balance tous ces sons. Ça te fait des sous, non, quand on le passe, Joss? Ouais, bah vas-y, vas-y, balance un autre encore. Vas-y, vas-y, passe tous les DJ Joss. Voilà. Yeah. Allez, encore un. rendez-moi cette fille d'avant. Rendez-moi cette fille d'avant. Ah ouais, la bande de fous furieux quoi. Ouais. Bon, depuis qu'on s'est plus vu, Joss, comment ça se passe pour toi? Vas-y, on prend des nouvelles. Bon, écoute, je me suis posé tranquillement, donc toujours dans mon studio, je fais mes petites soirées de temps en temps, je fais toujours ma prod, mais je me suis mis un peu en retrait parce que j'avais des projets qui étaient un peu plus intensifs, on va dire. Ouais. Avec, on en parlera tout à l'heure avec... Christophe Maé, machin. Ah ouais, non, mais on peut le dire direct. Il faut savoir que Joss, il est humble, hein, comme ça, on dirait pas, mais il a collaboré sur le nouvel album de Christophe Maé. C'est juste énorme. Comment ça s'est fait, ça? Tu le connaissais, Christophe Maé? Non, pas du tout. Mais par contre, je connaissais très bien son meilleur ami, celui qui est devenu son meilleur ami. Donc, entre parenthèses, Joseph Dimarco. Je fais un gros big up parce qu'il y a un album qui sort aussi. Joseph, c'est un artiste. Ouais. Et donc, Joseph, c'est un Belge qui est parti sur Paname avec ce fameux chorégraphe des Notre-Dame de Paris. De la... Kamel Wally, de la Starac aussi. Voilà, Starac. Et donc, il est devenu le meilleur ami de Christophe parce qu'il a fait justement une mise en scène pour son concert, je pense, Nouvelle Orléans. Et donc, pour le nouvel album, il voulait jouer son album de manière un peu plus californien, avec des sons plus soul, pop, rock. Ouais. Et donc, et il a tout de suite pensé à toi. Il voulait du scratch sur l'album. Et donc, il a posé la question à Joseph s'il connaissait pas un DJ. Et Joseph m'a proposé. Énorme. L'histoire est juste énorme. Et question, tu as enfin donné des cours de musique à Christophe Maé? Non. Je l'attendais, c'est là pour les anti-Christophe Maé. Non, mais attends, parce que c'est vrai, t'aurais pu, parce que tu mixes super bien, mais tu chantes super bien aussi. Bah, Christophe, franchement, est quelqu'un que j'ai découvert sur place. Parce que moi, je t'avoue que j'étais super curieux quand on m'a demandé de scratcher sur Christophe Maé. Mais ouais, parce que le rapport entre les deux, il est spécial. Quand même. On n'imagine pas forcément Christophe Maé carrément. En mode, tu vois, mix. Carrément. Mais je pense que, j'en suis sûr, il a voulu carrément dévier de ce qu'il faisait avant et venir avec des choses un peu plus élaborées que ding. Tu vois. Ah, c'est cool de faire autre chose aussi. Mais voilà, c'est sympa. Lui-même a voulu vraiment expérimenter aussi son album par rapport au texte. Et donc, il s'est adapté d'abord au texte pour pouvoir faire la musique. Et il s'est rendu compte qu'il avait envie de taper un flow un peu plus californien. Et que les sons, forcément, ont suivi. Et qu'on entend vraiment un son un peu plus, j'ai envie de dire, pop urbaine. Et donc, voilà, les scratchs vont avec. Et... En même temps, pour le scratch, il ne pouvait pas trouver mieux. Quoi. Ouais, Moi, quand je suis arrivé et que j'ai demandé si je pouvais écouter l'album. Oui, forcément, il m'a fait écouter l'album. Ah ouais. Je m'attendais pas à ce genre de son. T'as accroché direct, quoi. Ouais, le projet, C'est super propre, en tout cas, pour pouvoir balancer des scratchs. Non, mais t'imagines le truc de fou, quand même, Christophe Maé, qui fait appel à un Carolo, quoi. C'est dingue. Moi, personnellement, je t'avoue, j'étais, comme je te dis, j'ai été surpris parce que quand on m'a appelé, j'étais au studio le lendemain. Donc, je suis parti à Paname. C'est genre Joseph qui m'appelle, qui me dit on est en studio, tu viens? Cool. Et ça le fait, ça, non? Écoute, je suis là dans une heure, le temps. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé à Paname, dans le studio de la Grande Armée, où on enregistre Johnny Hallyday. Wow. T'as léché les sièges ou pas? J'ai mangé des huîtres. Ouais, c'est dégueulasse. Et alors, non, mais voilà, c'est une autre structure. Quand t'arrives à bosser avec un mec comme ça, ça en jette. Exactement, hein. Ouais, les studios, c'est autre chose. C'est juste énorme ce qui t'arrive, Joss. Et alors, non seulement Joss, il a bossé sur l'album de Christophe Maé, mais c'est pas tout. Puisque Joss se lance maintenant dans une nouvelle aventure. Il va ouvrir une école de DJ. Joss, reste avec nous. Ouais. On va en parler pour tous ceux qui ont toujours rêvé de devenir DJ. Et restez bien là parce que ça va vous intéresser. Voilà, c'est une première en Belgique, en tout cas. Donc, vous pouvez déjà dire merci à Joss d'être là. Hein. C'est un peu grâce à lui ça. Ben quoi, pour tous les petits jeunes qui ont toujours rêvé de devenir DJ, c'est pas si facile. Merci Joss. On va expliquer comment il faut faire pour participer au cours, où ça va se passer, tout ça. En gros, le concept, on en parle juste après le son d'Autonose. Et puis là, voici Dimitri Vegas, c'est Like Mike sur Fun Radio. Yeah. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us.

sur Fun Radio, c'est la Piawar. On est en direct avec vous 19h19 et ce sera comme ça jusqu'à 20h avec le son de Mo Final Song. On va se faire aussi chez Scuds. Et si vous venez de vous brancher dans l'émission, eh ben la petite surprise du jour, c'est que DJ Joss est notre invité. Ouais, DJ Joss, c'est ça. C'est parti. Ça peut faire. Bah quoi, ça ne marche plus. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Pas... Non, c'est... il est pas assez rapide. C'est comme avec les femmes. Hein, ah oui. Sandro. Non, là, il est trop rapide. Bon, DJ Joss, yes, qui est dans la Piawar avec nous, ça fait vraiment plaisir. On a parlé de ta collaboration là, avec Christophe Maé, énorme. Ouais. DJ Joss, il a scratché comme ça sur l'album de Christophe. Bim. Comme si c'était normal. Tranquille. Bim, comme ça, tranquille et détendu. Bien souvent, tranquille. Et en plus de ça, c'est pas fini les projets, Joss, puisque, alors ça, c'est le truc qui me fait triper grave. Tu ouais. vas ouvrir une école de DJ. Yes. Explique-nous tout ça. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà ouvert cette école il y a 20 ans. C'est vrai ? Ouais. Donc, et quoi, ça n'a pas marché ? Alors, si. Enfin, non. Enfin, si. Ça a l'air compliqué, tout ça. Oui, mais non. Oui, mais non. Alors, c'est-à-dire que je pense que j'étais un peu... précurseur. Un peu même beaucoup à l'avance. Ouais. En 97, je gagnais le championnat de Belgique et donc je suis parti au championnat du monde. J'ai eu l'opportunité d'être le premier représentant belge c'est au championnat fou. Du monde d'IMC. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça, mais sérieux. Ouais. Bim. Bim, ouais. Et donc, cette année-là, je me disais que voilà, c'était peut-être le temps, peut-être, de pouvoir ouvrir cette école. Ouais. Une école qu'on appelait dans le temps l'école d'IMC, mais qui était basée que sur le scratch, le beat jungling. Enfin, je vous apprendrai ça tout à l'heure. Parce que là, ça a l'air sympa, mais... Moi, j'aime donc, bien le beat jungling. Le beat jungling, ouais. Là, c'est très marrant à faire, en plus. Tu verras, Fab. Je te vois bien faire du beat jungling, en plus. Et donc, voilà. Donc, en 97, on a ouvert cette petite école. J'avais ouvert un magasin de vinyle aussi. Voilà. Mais en fait, ce qui était... À l'époque, intéressant, c'est que les mecs qui s'inscrivaient pour venir découvrir l'école et être DJ, c'était vraiment les puristes. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait pas ceux forcément qui étaient intéressés par l'image. Vous voulez pas devenir des stars, quoi. Exactement. J'ai passé d'agréables moments avec, et d'ailleurs, j'ai encore plein de DJ qui sont venus à l'école. Faut savoir que dans l'école, il y a eu des mecs comme DJ Andy. Mais qui non. Sont venus. Ah ben ouais. C'est où ça? Ouais, Andy est venu avec sa maman. Sa maman, elle mixe aussi avec genre ses petits frères. C'était super marrant. C'était super avec marrant. Toute la famille, ouais. Ouais, toute la famille. Et puis, voilà, il commençait à être DJ. Donc, on a fait quelques phases ensemble. Il n'a pas pris spécifiquement des cours, mais il m'a vraiment suivi. Ouais. Y a des mecs qui ont été derrière moi, comme DJ Max, comme Magic Cut, machin. Donc, c'est énorme. Mecs, tu vas peut-être pouvoir former les futurs DJ de demain, avec ton école. C'est un mec comme Dedicate, par exemple, qui avait arrêté sa carrière. Ça, je peux m'en vanter parce que. C'est vraiment une super anecdote. Ouais. Alain, donc dédié, m'a donné envie d'être DJ. Et au moment où il avait arrêté, en 97, c'est moi qui lui ai redonné l'envie. C'est vrai. À travers, comme disait cool. Fab, qu'on me donne l'envie. Mais donc ça, je peux me permettre de le dire et carrément de m'en vanter parce que Alain le revendique vraiment. Mais c'est une grande famille quand même. Les DJ de l'ancienne génération, si l'ancienne génération comme ça, les vrais quoi, les vrai. Vrais de vrais. Mais on a vécu un peu la même histoire et puis on avait aussi nos galères avec nos vinyles. Faut savoir. Énorme. Que, ouais, maintenant t'as clé USB, bim, t'as plus. Ouais. Parce que y a plein de DJ qui font semblant de mixer. Ben, la vérité. Écoute, là maintenant, c'est devenu justement un effet de mode. Ouais. Et comme on dit au State, everybody want to be. Donc, tout le monde. Excusez-moi la traduction. Tout le monde veut devenir. Ah, d'accord. Tout le monde veut devenir DJ. Donc parce que ça fait rêver, parce qu'il y a David Guetta, parce que il y a Bob Sinclair, il y a Like Mike et tout ce qui s'ensuit. Et c'est un peu normal. Et donc justement dans ton école, tu vas apprendre à mixer, mais comme à l'ancienne quoi. Alors, comment ça se passe? Je vais apprendre les bases, vraiment les bases. Je vais donner le bagage pour pouvoir après gérer sa carrière. Donc, je vais pas offrir de carrière. Ouais. Je vais simplement initier tous ces jeunes, leur disant que mixer d'un disque à l'autre, c'est pas simplement venir avec un contrôleur, avec sa clé USB et la touche sync pour pouvoir mixer les deux et garder ses mains en l'air. Mais put your hands up in the air. c'est vraiment ça. Mais je veux vraiment les initier, leur dire que le métier de DJ, c'est un métier avant tout et que on est DJ pour partager du son, que ce soit avec 3, 4 personnes ou en famille. Et pas pour se la péter, pas pour quoi. 100 000, ça m'étonne. Voilà. Hey, bon. Just, tu veux bien nous faire un kiff? Est-ce que tu veux bien nous montrer ça ressemble à quoi un vrai scratcher? Ah je sais pas si on dit ça comme ça, mais vas-y, va au platine. Okay, platine. Hey, vous allez voir ce que c'est un vrai de vrai, les gars, parce que y a peut-être des DJ parfois qui vous impressionnent parce que voilà, ils sont connus, tout ça. Mais DJ Joss, franchement, c'est le roi du scratch. Alors, Joss, vas-y, tu t'installes derrière les platines qu'on a installées spécialement pour toi, s'il te plaît, dans les studios de Fun Radio. Alors, on va mettre le son des platines, Sandro, comme ça on va entendre ce que ça donne. DJ

C'était Cheat Code sur Fun Radio. La suite, c'est avec Zao que ça se passe. Et MHD, Leslie Kuma. On va se faire aussi du Bob Sinclair là, on va se faire un souvenir. Et on est toujours avec DJ Joss qui est notre invité et qui est occupé à galérer avec le Fab. Parce qu'en fait, si vous venez de débarquer sur Fun Radio, DJ Joss va ouvrir une école de DJ tout bientôt. Et bah du coup, il s'est donné le défi d'essayer d'apprendre à Fab à scratcher. Alors pendant la musique, je peux vous dire qu'il a sué des gouttes, hein, Joss le pauvre. Alors on va brancher les platines, c'est parti, comme ça vous allez entendre ce que ça donne. Attention les gars, Fab aux platines, c'est parti, c'est maintenant sur Fun Radio, attention. Et juste pour rire, Jazz, tu peux nous montrer la différence quand c'est toi qui le fais? Parce que juste quand même, et moi je voyais le truc en live, c'est pas la même chose quand c'est Jazz qui est au platine les gars. Attention, Fab vs Jazz. Voilà les professionnels, c'est parti, Jazz au platine de Fun Radio. Woo! pas trop. Hein. Bon, pff, j'ai pas. Attends, Jazz, viens deux secondes au micro, mais qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de notre Fab International? Attends, avant qu'il dise quelque chose, j'ai envie de dire que ce mec est un artiste. Bah, parce que si on a pas vu que je mixais tellement mal, c'est grâce à lui. Ouais. Parce qu'il chipote avec les boutons derrière pour pas que ça s'entende. Merci, Jazz. Alors, Jazz, tu penses que Fab est capable de devenir DJ dans sa live ou pas? Non, mais franchement, oui. Il est gentil, Jazz. Un grand, je dirais non. Je dirais franchement un grand oui. Alors, je fais les mariages, les bar mitzvahs, les communions, les anniversaires. Bon, et Jazz, par contre, fais-nous rêver l'école de DJ. Ouais. Elle sera ouverte plus ou moins quand? Comment on fait? On peut retrouver des infos quelque part? Il faut te suivre sur Facebook. Comment on fait? Oui, venez sur Facebook. En tout cas, sur ma page DJ Joss, je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution de l'école. Normalement, ce serait pour, je dirais, début novembre. Cool. On est en train de se mettre en place. Ce qui est bien, je tiens à le dire vraiment, c'est que ça va être une école où tout le monde pourra venir. Donc, de l'enfant jusqu'à son grand-parent, Même les grands-parents. Oh, trop cool. Et j'insiste sur le fait que ce sera pas cher du tout. Mais ça, c'est vrai, parce qu'il y avait eu à un moment donné une école de DJ qui avait ouvert et tout, mais c'était trop cher, quoi. Laisse tomber, personne pouvait y aller. Donc, justement, c'est cool et c'est tout à ton honneur, Just, de laisser la porte ouverte aux petits jeunes qui voudraient devenir DJ. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Just, allez-y, hein, 3044 pour vos petits messages. T'as déjà un bonjour de Patrizio de Charleroi qui dit j'allais tous les jours au magasin de Just. Voilà. Moi, j'allais tous les jours manger des frites. C'est belle. Allez-y, si vous avez des questions à poser à Just, faites-vous plaisir. 3044 pour vos messages. Et pour la suite du son Dance Floor, maintenant, c'est Zao avec MHD qui débarque. Laisse les Kuma, il y aura aussi du Bob Sinclair et puis de Chainsmokers pour la suite. Restez bien là, c'est la POA. Il est 19h41, on est avec vous jusqu'à 20h. Bougez pas. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Branché, c'est la Power encore jusqu'à 20h avec DJ Joss qui est notre invité. Ouais. Et ouais, bim badaboum. T'es la seule qui prononce mon nom correctement en radio. Ouais, parce que tu sais que Fab t'appelait Josh. Ouais. Non mais c'est plus américain. C'est vrai que la transition DJ Joss. Tu vois, faut s'entraîner un peu. Le J et le G, c'est bien le DJ Joss. Mais il y a quand même un jour quelqu'un qui m'a dit, il est sympa en vrai, Didier. Mais c'est qui Didier? Bah oui, Didier, tu le connais bien, le gars qui mixe là. Ah, DJ Joss, tu veux dire. C'est vrai, c'est vrai. C'était un Carolo. Voilà, je balance un petit peu. Tu mets m'étonne alors. Bon, Jazz, ce qui est cool, c'est que t'es venu à l'antenne pour parler de ton école de DJ. Ça s'est fait. Suivez-le sur Facebook. Hein. Il va mettre toutes les infos pour ceux qui voudraient suivre ses cours. Ouais. Et puis, t'es pas venu comme ça en touriste, puisque tu vas nous faire le plaisir de mixer en direct sur Fun Radio. Yes. Ça, c'est juste le kiff. Ça, c'est la petite récompense. Mais d'abord, il va falloir souffrir un tout petit peu, puisque maintenant, c'est les questions à la con. On dit qu'aucune question n'est jamais stupide. Sauf les siennes. You're a loser. C'est le moment des questions à la con dans l'Happy Hour. Courage, Joss, ça va pas être facile tout ça. Fab, tu le connais, celui que t'as essayé de d'initier au scratch, hein, tu vois. Bah, Joss, moi je pose des questions que personne ose poser, tu vois, okay. Mais que tout le monde se demande. Première question, tu choisis du combien? Du 43. Okay. Yeah, grand pied, on sait ce qu'on dit là-dessus. Hein. Je pourrais pas les prendre. Très bien savoir, Joss, quand tu étais gosse, quelle est la plus grosse connerie que tu aies faite? Alors, la plus grosse connerie que j'ai fait un trafic de faux bulletins à l'école. Ok, je m'attendais à tout, genre j'ai fait tomber Amandine en lui faisant un croche-pied. Ou... Trafic de faux bulletins, d'accord. Bim. Joss était mafieux à l'école. Bon, imagine, tu es à Ibiza, tu as mixé, tu es au bord d'une falaise, ouais. Tu vois trois personnes courir, il y en a une qui tombe, c'est Maître Gims, bon tu peux plus rien faire, il est mort. Mais tu rattrapes deux, David Guetta et Bob Sinclair. Tu ne peux en sauver qu'un. Sinclair. Tu ne peux en sauver qu'un. Lequel tu lâches? Ah, franchement, je sauve Bob Sinclair. Yeah. Merci. Bim. Mais c'est pas pour autant que je lâche vraiment David Guetta. Oh. Ouais, non, bah, enfin, bon, il est quand même avec Maître Gims. Mais t'inquiète, c'est parce qu'il le rattrape avec autre chose. Allez, dernière question pour Jess. Bon, ta pire lose, celle dont t'as le plus honte que t'as jamais avoué à personne. Un jour, j'ai niqué un homme. Non. C'est vrai? T'es bi? Non, mais non, c'est une lose, c'est une erreur. Il avait pas choisi, il a vu après. On aura appris des choses sur DJ Jazz où vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Jazz, on va te laisser t'installer aux platines. Hein. Pour tous ceux qui ont envie d'entendre mixer DJ Jazz, là c'est bien en after, j'allais dire non, mais en avant-soirée. Ouais, franchement, ouais, je valide pas forcément ma réponse. Il y a un moment, je me suis dit. Là, j'ai des doutes. J'étais en boîte, toi-même, tu sais. Attends, Joss, on va t'installer en fauteuil, on va continuer à en parler. Ne t'inquiète pas, si t'as besoin de parler, on est là. T'inquiète pas, on va se faire ça juste après. Joss va prendre le contrôle de Fun Radio, bougez pas. Fun Radio présente la Lotto City Para 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel avec Plug RTL. Info cityparade.be. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Tu me passes ta carte ? Demande à maman ! Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Oui, c'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Maman, c'est quoi un putsch ? Eh bien, c'est un coup d'État. Tu vois, c'est un coup qui te putsch. C'est de l'anglais. To push, I putsch, you putsch. Hein, comme dans la chanson, quoi. Allez, putsch de là, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu vois ? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night and I'll hold you tight in the golden light. In the golden light. In the golden light. In the golden light. Your love. inside. I just wanna feel your love. On est avec DJ Joss dans l'émission. DJ Joss qui est venu parler de son école de DJ. Si jamais vous voulez participer à ses cours, eh ben allez-y, filez sur Facebook, sur sa page. Mais là pour l'heure, on va se quitter dans l'émission avec DJ Joss au platine de Fun Radio. C'est parti, c'est à toi Joss et PJ. A troubleshoot test of the entire system. She don't play around, cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day, true play away. I can't get her out of my mind, wow. I think about the girl all the time, wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, knowing when she's got the habit. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down? I like the way you work it. No biggie, no biggie. I got to bag it up. I like the way you work it. No biggie, no biggie. I got to bag it up. I like the way you work it. I like the way. tell me what you need, baby, I can make it happen. Action, treat the pussy up everlasting. She got good brain, I let her teach classes. She told me go down, I told her I'm fast. And she asked what enough, I gave her compassion. How you like it? These niggas might bite me. The women come nightly, only if they enticing, only if they excite me. I ain't in your business, but I'm going in your girl, she invite me. Yep, I'm in the building, freshest nigga on the night scene. A couple drinks, got me leaving with the right thing. She think I'm from the hood, but I'm too fly and I'm way too high. It's B-A-Y, mommy, I'm that guy. Hey, I go hard, yeah, I knock down walls. 1-800-DOPE-DICK, just give me a call, yeah. I'm in the function and I got the shit jerking. Swag so wavy like a nigga gone surfing. And I'm flirting with a little cutie. The way she pop that shit, I wanna see her booty. And she a groupie, but she acting like she not. But I know how to treat her cause I get that shit a lot. So girl, you need to stop, you know the kid hot. But fuck all this talk, mommy, make that shit drop. Look at shorty, she a little cutie, yo, the way. Fuck that. Fun radio. Fun radio.